Chapitre 225. Le mérite de jeûner pendant les mois de Muharram, Sha'ban et les autres mois sacrés. 1246. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: le meilleur mois pour jeûner en dehors de Ramadan est le mois de Muharram, et la meilleure salat en dehors de la prière obligatoire est la prière nocturne. Muslim. 1247. Aïcha, radiyallahu anha, a dit: le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais autant jeûné dans un mois que pendant celui de Sha'ban. Il le jeûnait en entier. Dans une autre version, il jeûnait, alayhi salatu wassalam, presque tout le mois de Sha'ban. Al-Bukhari et Muslim. 1248. Mujiba al-Bahiliya tient de son père ou de son oncle que ce dernier avait un jour rendu visite au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, puis il s'était rendu chez lui l'année d'après, mais avec une toute autre apparence. « Ô messager d'Allah, demanda-t-il, ne me reconnais-tu pas ?»« Qui es-tu ? » dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. « Je suis l'homme de la tribu des Bahil qui l'année dernière t'a rendu visite, » répondit-il. « Que t'est-il arrivé ? Tu avais bonne mine auparavant. Depuis que je t'ai quitté, « je ne mange que la nuit, » répondit l'homme. « Tu t'es fait du mal à toi-même, » lui dit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. « Jeûne le mois de la patience, Ramadan, plus un jour par mois. « Ajoute-moi, je me sens capable de faire mieux, » demanda-t-il. « Alors, deux jours par mois, » proposa le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. « Ajoute-moi, » insistant l'homme. « Alors, trois jours par mois, » dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. « Ajoute-moi, » poursuivit l'homme. « Alors jeûne trois jours d'affilée, puis romps ton jeûne les trois jours suivants, et ainsi de suite, dit-il, alayhi salatu wassalam, et ceci au cours des mois sacrés, Rajab, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja et Muharram. » Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, plia les trois doigts de sa main, puis les déplia à plusieurs reprises. Abu Daoud.